Vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1. Alors, c'est le temps de la récolte de légumes et certains d'entre eux produisent des effets pour le moins particuliers sur notre corps. La betterave peut, par exemple, faire rougir la couleur de l'urine. L'asperge peut en modifier son odeur, alors que l'oignon peut carrément nous faire pleurer. Si on a l'habitude de ces effets, sait-on vraiment pourquoi ils se produisent? Les mécanismes qui modifient notre urine et qui nous font pleurer après avoir mangé de la betterave, de l'asperge et de l'oignon, c'est le sujet de Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition. Alors, bonjour Karine. Bonjour Jean-Daniel. Alors, je vais commencer avec la betterave. Donc, il existe des écrits qui datent du 19e siècle et dont l'urine colorée en rouge était associée à une perte de sang. Donc, avant qu'on sache qu'est-ce qui se passait. Donc, évidemment, c'est un événement très stressant jusqu'à ce qu'on comprenne que les personnes qui avaient ce problème plutôt inquiétant, avait seulement mangé des betteraves auparavant. Et ce phénomène, ça se produit chez tout le monde, Karine, ou il y a des exceptions? Mais d'après la littérature scientifique, il semblerait que ce soit un phénomène qui se produit chez tout le monde. Mais lorsque la coloration n'est pas visible à l'œil, c'est parce que le pigment rouge serait trop faible pour être perçu. OK, donc il n'y en aurait pas assez, si on veut. C'est ça. Donc, si on analyse l'urine par spectrophotométrie, qui mesure la densité d'une substance chimique. Donc, dans ce cas-ci, c'est pour mesurer la densité du pigment rouge. Donc, on se rend compte qu'il est quand même présent, mais à un très faible niveau. Les variations de couleur peuvent dépendre du métabolisme de la personne qui mange la betterave, mais aussi d'autres facteurs comme la quantité de betterave mangée. Donc, évidemment, plus la quantité est grande, bien, plus l'urine va être colorée en rouge. Et ça peut aussi dépendre de la période de plantation des betteraves, puis aussi de leur variété. OK. Donc, il y a certaines variétés où, en fonction du temps où on les a plantées, où il y aura plus de colorant rouge qui va apparaître dans notre urine. Exactement. Et est-ce qu'on connaît le pigment responsable de la coloration de l'urine par la betterave, Karine? Oui. Ce sont principalement les bêta-cyanines qui sont des pigments rouges violacés, mais on retrouve aussi en moindre quantité des colorants jaunes de la famille des bêta-xanthines. Et pour les pigments rouges, ben ils sont instables à des pH extrêmes. Donc, si le milieu est trop alcalin, ils se décolorent. Puis, si le milieu est trop acide, ben ils vont passer du rouge au jaune. Un peu comme certains indicateurs chimiques qu'on utilise parfois à l'école, ben, si on veut. Oui. Alors, la couleur obtenue dépend aussi du pH de l'urine de la personne qui a mangé les betteraves. Donc, ça va avoir une influence. Par contre, avant de se rendre dans l'urine, la betterave, ben, elle est digérée aussi dans l'estomac, qui est un milieu qui est très, très acide et où les pigments de la betterave sont libérés. Donc, il y a des études qui ont été menées chez le rat pour comprendre la décomposition des pigments de la betterave tout au long de la digestion. Et, bon, sans avoir de réponse certaine et exacte, il semble que ce soit plutôt des différences physiologiques entre les personnes. Bien, là, c'était chez le rat, mais nous, on extrapole chez les personnes, c'est ça. Ce serait plutôt des différences physiologiques qui influencent la couleur de l'urine après avoir mangé des betteraves, là, plutôt que des différences qui seraient génétiques. D'accord. Alors, nous allons maintenant poursuivre avec l'asperge et ses effets sur l'odeur de l'urine. Oui. Donc, déjà, en 1866, Pierre Larousse écrivait dans le Grand Dictionnaire universel en parlant de l'asperge. Tout le monde connaît l'odeur fétide qu'elle communique à l'urine. Et puis, avant de préparer ma chronique, j'ai demandé à quelques personnes de mon entourage si le fait de manger des asperges avait des effets sur l'odeur de leur urine. Donc, évidemment... Très scientifique. Là. Oui, oui. Leur réponse était souvent un oui exaspéré avec un sourire, question étrange. Donc, heureusement, il y a de la littérature scientifique sur le sujet pour comprendre pourquoi c'est comme ça. Donc, les coupables, ceux qui sont responsables de cette odeur-là, ce sont les biotioles, des molécules incolores et odorantes dont l'odeur rappelle celle du chou pourri. Ouais. Et c'est l'acide asparagusique présente dans l'asperge qui est le précurseur de ces molécules plutôt désagréables à sentir. Toutefois, cet acide-là, l'acide asparagusique, elle a un rôle très important dans l'asperge puisqu'elle la protège, elle protège ses tissus des parasites qui pourraient menacer sa survie là, avant qu'elle soit cueillie. Et Karine, est-ce que c'est tout le monde qui trouve l'odeur de son urine modifiée après consommation d'asperges? Il me semble que moi, je le sens pas chez moi. OK. Bon. Alors, il y a deux hypothèses là pour expliquer ce phénomène-là. Donc, la première hypothèse, c'est qu'il y aurait un polymorphisme dans la production de l'odeur. Donc, c'est-à-dire que certaines personnes excréteraient des biothiols, dont le méthanethiol, en quantité suffisante pour le détecter, alors que d'autres personnes, environ 8% selon les études, ne l'excréteraient pas assez ou même pas du tout. Mais tout ça, c'est difficile à mesurer. Mm-hmm. Alors, d'après ce qu'on connaît présentement, ce serait raisonnable d'assumer que tout le monde excrète le méthanethiol, mais que la concentration est plus faible auprès de certaines personnes, ce qui rend l'odeur indétectable. Un petit peu comme les pigments de la betterave. Absolument, il n'y en a juste pas assez dans ce cas-là. Et tu me parlais d'une deuxième hypothèse. Quelle est-elle? Oui, la deuxième hypothèse, c'est que tout le monde excréterait l'odeur, mais ce serait la perception de l'odeur qui serait différente d'une personne à l'autre. Donc, certaines personnes ont un odorat qu'on pourrait qualifier quand même de normal, mais elles seraient incapables de détecter certaines odeurs spécifiques. Donc, si cette hypothèse-là tient la route, on estime environ 6% des personnes qui seraient incapables de détecter l'odeur du méthanethiol en particulier. Donc, ça demeure aussi difficile à étudier puisque la sensibilité à certaines odeurs peut changer des expositions répéter, c'est ça. On finit par développer une certaine tolérance, si on veut. Exactement. Donc, autrement dit, ça dépend toujours de nos intérêts, on pourrait s'entraîner à sentir l'odeur du méthanethiol dans son urine après avoir mangé des asperges. On pourrait. Et une autre limite retrouvée dans les études qui ont étudié le phénomène, c'est le délai variable entre la consommation d'asperges et la collecte de l'urine. Donc, il se pourrait que les pics d'intensité de l'odeur varient d'une personne à l'autre. Donc, pour certaines personnes, ça pourrait prendre 15 minutes avant de détecter l'odeur dans leur urine après la consommation d'asperges, alors que pour d'autres personnes, ça pourrait être plus long, ça pourrait prendre une heure, par exemple. OK, donc c'est pas si simple que ça, l'odeur d'asperges dans... Non, ça nous fait rire, Oui, ça nous fait effectivement rire, l'odeur d'asperges dans l'urine. C'est difficile à étudier. Effectivement. Et le dernier légume dont tu nous parles aujourd'hui, Karine, c'est l'oignon qui nous fait pleurer. Toutes les personnes qui cuisinent en ont l'habitude. Mais quel est le mécanisme exact par lequel ça fonctionne, tout ça? Donc, les oignons ont un pouvoir irritant. Alors, tout le monde qui en coupe va se retrouver en larmes. Quand on coupe l'oignon, on se trouve aussi à couper ces cellules qui renferment des composés soufrés. Et lorsque les cellules de l'oignon sont brisées, elles vont libérer deux enzymes qui s'appellent l'alinase et le lacrimatory factor synthase, qu'on va appeler le LFS, et qui sont essentielles pour transformer des composés soufrés de l'oignon en une molécule lacrymogène, le propanthial S-oxyde. Donc, ce composé-là est volatile. Alors, il va s'échapper de l'oignon sous forme de gaz. Et lorsque ce gaz-là entre en contact avec le liquide qui protège nos yeux, il se dissout, puis il active des récepteurs de la douleur. Donc, le propanthial S-oxyde est donc très irritant. Ah, donc voilà pourquoi on pleure avec les oignons. Voilà. Et notre mécanisme de défense, c'est de produire des larmes et de cligner des yeux pour tenter de rincer nos yeux. Tenter de laisser pleurer le propanthial S-oxyde sur nos joues. Voilà. Alors maintenant qu'on sait comment ça marche, y a-t-il des trucs pour éviter de pleurer quand on coupe des oignons? C'est quoi le truc? Bon, sachant que le propanthial S-oxyde se dissout dans l'eau, on peut empêcher sa diffusion dans l'air en épluchant ou en coupant les oignons sous un filet d'eau. Un autre moyen peut être de mettre l'oignon dans un sac de plastique transparent pour couper l'oignon. Ou encore, utiliser des lunettes de piscine ou un masque de plongée, tout dépendamment du look qu'on veut avoir. Absolument, oui. Moi, je l'ai déjà essayé, puis ça diminue la réaction, mais c'était pas parfait. Là. Ça pleurait dans les lunettes. Là. OK, donc il y avait un système à développer. Là. Donc, autrement, il y a des chercheurs japonais et néo-zélandais qui travaillent à créer des oignons génétiquement modifiés sans le LFS, qui est un des gènes responsables de nos larmes. Donc, toutefois, il faudra être encore patient. Ça va prendre encore plusieurs années de recherche avant de mettre ces oignons-là au point. et d'espérer peut-être un jour les retrouver sur le marché. Eh bien, on va devoir attendre encore un petit peu, en Karine. En attendant, on pleure. En attendant, pleurons, pleurons. Alors, merci, Karine, on pleure pour la fin de ta chronique. Pour en savoir davantage sur la nutrition, les comportements alimentaires et pour écouter tes chroniques précédentes, Karine, on peut visiter ton nouveau site web, le karinegravel.com, en un seul mot. Alors, on passe maintenant en pause publicitaire au CKRL 89.1. Au retour, le crochet du corbeau. Comment les animaux utilisent eux aussi des outils. À tout de suite.